Ferme les yeux, devine, il est l'heure de rêver ce songe vieux comme le monde. Les pieds sur terre, la pierre que tu ramasseras ne servira pas dans un combat. Et à tous ceux qui prennent la route, artisans des matins de doute, venez reconquérir ce monde. Vers le cercueil, et ouvre les yeux, Goliath, tu piétines dans les ruines et les cendres de tes buildings. À l'horizon, on voit ton ombre qui trône en maître sur tes décombres. Mais il s'avance pieds nus par tes villes et par tes rues. Ils viennent reconquérir ton monde.